production du label Motown à Détroit, dans le Michigan, et qui est ici repris en 1970 par un groupe très connu, une interprétation d'ailleurs assez connue également, une des bonnes, voire des meilleures, ce morceau ayant été interprété par un grand nombre de musiciens et de chanteurs. Voilà, donc c'est pas très très difficile, ni pour le titre du morceau, bien évidemment, encore peut-être un peu moins pour celui des interprètes. Voilà, donc je vous laisse. Thank you. seul label totalement détenu par des Afro-Américains qui avait été donc créé en 1959 pour promouvoir la soul music et les artistes noirs américains, ce qui a été fait, et pas avec n'importe qui et pas n'importe comment, puisque c'est quand même chez Motown qu'on démarrait Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross et d'autres. Voilà, donc pour le groupe, il s'agissait de Creedence Clearwater, qui est un groupe des années 60-70 qui avait eu un grand succès à l'époque, notamment avec cet album qui s'appelait Cosmos Factory. La voix du chanteur est reconnaissable parmi tous les autres, il s'agit de John Fogerty, et qui est un guitariste et qui joue avec son frère dans le groupe Tom Fogerty. Ils étaient quatre. Les deux autres étaient Stu Cook à la basse et Dougie Ford à la batterie. C'était un album, donc je l'ai dit, de 1970. Voilà, j'espère que ça vous a plu ou rappelé quelques souvenirs pour certains. Je vous laisse. Je vous